ces tiers mondes qu'on a laissés derrière. J'ai oublié le monde, ces systèmes bien huilés, ces cornes qui abondent, mais qu'on vide sans compter. J'ai oublié le monde, ces châteaux de monnaie, ces mouches en or qui pondent à l'intérieur des plaies. J'ai oublié ce monde qui injecte son bruit dans la terre féconde de l'acide de batterie. Lancer des sondes plutôt que le nourrir. J'ai oublié le monde, il était bien trop vieux, ses mers bien trop profondes et son ciel bien trop bleu. J'ai oublié le monde, de toute façon on était foutu. J'ai même vu la Joconde périmé, il en reste quelques ondes qui tiennent dans ma télé.